Et également le retour sur nos routes des cyclistes. Il y a des cyclistes qui sont extraordinaires, avec lesquels on n'a aucun problème sur les routes, mais même les cyclistes eux-mêmes le reconnaissent, il y a une partie de la meute que c'est des gens en mission. Des gens qui font des cauchemars la nuit où ils se voient au volant d'une automobile. C'est un statement, puis je n'ai vu encore hier. Je mangeais sur une terrasse sur Grande Allée hier soir. Puis tu sais, sur Grande Allée, à l'heure du souper, il y a quand même pas mal de circulation. Oui. Il y en avait encore un qui roulait en plein milieu de la voie. En plein milieu. Ça, là, c'est pas de vouloir faire un statement, là, puis d'envoyer un message, puis de dire aux automobilistes, vous autres, vous êtes tous des caves, vous êtes tous des pollueurs. Moi, je suis en forme, puis moi j'ai un moyen de transport vert. Puis est-ce que c'est un projet vert? C'est un projet vert. Puis moi, ben, vous me ferez pas breaker à une lumière, parce que là, je suis sur mon cardio, il faudrait surtout pas que je débarque mes pieds de mes attelles. Hey, je n'entendais un cette semaine, j'ai triché un peu, j'écoutais la radio de Radio-Canada qui disait que ça a pas de bon sens, le nouveau vélo boulevard, là, dans le coin de Père Marquette, parce qu'il faut qu'il arrête des fois. Parce qu'il y a des stops. Ils veulent pas arrêter. Il y a des stops. Ils peuvent pas continuer tout le temps en ligne droite. C'est pas des farces, là. Ils veulent pas se destraper les pieds sur le pédale. Non. Ils perdent le cardio. Ils perdent du temps. Ils aiment pas ça. Si une voiture se comportait avec le même raisonnement de cave. Bon. Moi, je pèse plus sur le break. Je vais économiser mes freins. Moi, je fais de la Formule 1. Hein? Faut que mes freins soient protégés. Que les autres s'organisent parce que je veux pas user mes freins que ma pédale de brake. Mon moteur, faut qu'il reste à la même température, faut qu'il roule toujours au même nombre de tours minute. Mes brakes, je les économise, je suis en F1, moi. Je veux pas m'arrêter. Je t'en ai pogné un en début de semaine qui descendait la côte Saint-Sacrement. Est-ce qu'il est quand même une bonne côte? Puis lui a décidé qu'il voulait tourner à gauche, rendu à lumière. Mais plutôt que de se rendre à lumière, il a slalomé entre les chars sur les trois voies. Pas dangereux dans ce secteur-là. Les chars savaient plus quoi faire avec ce gars-là. Lui a décidé qu'il passait puis qu'il s'en sacrait bien de se rendre à lumière. On a parlé des cyclistes en début de semaine parce que tu avais eu un épisode, Jérôme, puis il y a eu un accident cette semaine aussi où un cycliste a été impliqué. Dans le coin du chemin Saint-Louis. Puis il n'y a pas eu de grosse enquête là-dedans. Puis on sait pas trop qui est responsable. Mais il y a eu une collision entre une piétonne et un cycliste cette semaine proche de l'école Jésus-Marie. Puis ça, c'est une autre affaire. On parle souvent des cyclistes par rapport aux automobilistes. Mais les cyclistes ont peu de respect pour les piétons. Certains cyclistes, je vais être bien clair, là, parce que c'est vrai que je pense qu'ils sont à majorité, les cyclistes intelligents. Oui. Sérieusement. Mais la minorité fait que vous avez l'air d'une gang d'imbéciles. Mais il y en a qui ont peu de respect aussi pour les piétons, hein. Puis les autres, on dirait que, regarde, tassez-vous de là, les piétons, quitte à circuler sur le trottoir, là, puis regarde, eux autres, là, si tu te tasses pas, ils vont te rentrer dedans. Là. Ça arrive assez souvent aussi. Mais à chaque fois qu'on parle des vélos en onde, Jérôme, puis qu'on appelle les cyclistes délinquants à faire preuve de plus de responsabilité, puis on est rendu à l'autre étape, là, c'est qu'on est rendu à demander aux policiers de faire le job concernant les cyclistes délinquants. Comme à Montréal. Ils l'ont fait à Montréal. Ils le font actuellement à Montréal. Il y avait des chiffres dans la presse cette semaine. Ils le font, là. Ils en donnent des tickets à Montréal. Toujours des réactions quand on parle des cyclistes. Puis il y en a un qui a pris le temps de nous écrire pas mal. Puis je veux entendre ta réaction au courriel de Martin, Jérôme. Il dit, comme un auditeur qui vous a écrit dans votre émission, je suis conducteur et cycliste qui respecte le code de la route. Je suis d'accord avec vous. Il y a des cyclistes qui abusent et il y en a trop. Mais l'autre côté de la médaille est aussi vrai. Comme cycliste, on doit être plus prudent parce qu'on n'a pas l'avantage de la glace. Ça, je le dis tout le temps. Je suis condamné dans un octogone à être plus prudent que Georges Saint-Pierre contre Georges Saint-Pierre. J'ai bien beau expliquer de la façon que je le veux, je pars perdant contre Georges Saint-Pierre, donc je devrais être plus prudent parce qu'il va me défaire en 82 morceaux, probablement avec une main dans le dos. C'est une réalité physique. Voiture contre vélo, la voiture va souvent gagner. C'est sûr. Mais des conducteurs imbéciles, il y en a une barge, nous écrit notre auditeur. Ceux qui doivent virer à droite et qui te coupent pour gagner 3 secondes, ça m'arrive souvent. Ou ceux qui s'étirent le bras pour t'agripper volontairement, comme ce cave dans son Dodge Ram noir sur le boulevard Valcartier samedi. Il y a un automobiliste qui a fait ça, un cycliste. C'est cave en calvaire. C'est cave solide. Alors qu'on roulait bien en dedans de l'accotement, le chauffeur s'est tassé vers la droite alors qu'il nous dépassait et le passager s'est étiré le bras pour tenter d'agripper mon partner. Tu parles d'un idiot, toi. Ça, c'est un imbécile, l'automobiliste qui a fait ça. C'est un cave. Mais dénoncez-les, ces histoires-là. C'est quasiment un acte criminel. Là. Ben oui. C'est probablement même un acte criminel. Dénoncez-les. C'est un imbécile. Regarde, le cycliste se fait accrocher, il tombe mal sur le côté de la tête pour une raison ou pour une autre. Ça finit là. Ça commence en dessous du rock aussi. Le brillant, pas sûr qu'il va se trouver drôle encore. Je comprends aussi que vous croyez que la route appartient plus aux automobilistes à cause du format des voitures et tout, mais dans les faits et les lois, c'est totalement faux. Moi, c'est pas une question de format, c'est une question de nombre. On surévalue le nombre de cyclistes au Québec. Oui. Puis quand les chiffres sortent, ça nous replace en réalité, hein. À Québec, là, du monde qui prenne le vélo, c'est en bas de 1%, là. La réalité, c'est que nous autres, on conduit nos chars comme si tout le monde, tous les autres conducteurs étaient des imbéciles. Mais en vélo, vous devez faire ça aussi. Puis j'ai l'impression que vous le faites pas. Puis vous devez le faire encore plus parce que vous êtes minoritaire. Parce que des fois, les conducteurs peuvent être distraits aussi. Là. Les cyclistes ont autant le droit d'être sur n'importe quelle route que les voitures où il leur est permis de pratiquer leur activité sportive favorite. En tant que cycliste, il faut évidemment redoubler de prudence. Mais pourquoi n'appelons-nous pas aussi les automobilistes à la prudence? C'est pas de dire aux automobilistes d'être imprudents, d'être agressifs. C'est de dire aux cyclistes, si toi, t'es imprudent, t'as plus de chances de crever que le gars dans le char. T'es condamné à être plus prudent qu'un automobiliste. Voilà. C'est ça, la réalité. Moi, il y a un endroit où j'ai souvent des problèmes avec les cyclistes, puis j'en reviens souvent avec ce coin-là, c'est la côte de Cap-Rouge. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de cyclistes dans ce coin-là, t'as la marina pas loin, puis cette côte-là, elle descend. Puis tu parlais dans ton courriel du fameux virage à droite. Moi, faut que je tourne souvent à droite pour aller où il y a le chocolat favori, là. Mais souvent, puis ça m'est arrivé encore cette semaine, il y a un cycliste qui me suit à droite en parallèle. Mais là, moi, faut que je vire à droite, là. Là, faut que tu breakes. Là, t'es sur ta vette, faut que tu breakes. Ben, t'as pas le choix. Là, tu sais pas ce qu'il fait, là. Parce que tu sais qu'il va s'enligner. Même quand il est loin en arrière, parce que tu sais que lui, il va continuer. Mais si vous avez affaire à un automobiliste distrait, là, vous êtes fait, là. Ouais. Puis vous êtes fait, là. C'est le problème. Moi, quand j'en vois un, comme ça, dans mon angle mort, je ralentis, même je break, je prends pas de chance. Moi, je veux pas me ramasser dans une situation où il y a un reportage de fait. D'une voiture, puis quelle que soit circonstance, là, dans le jugement du monde, ça va être de la faute au char pis au gars dans le char. Moi, je veux pas me ramasser dans une situation comme ça, donc je me dis, voici un cycliste imbécile, j'ai pas de chance à prendre. Je suis surpris que ça arrive pas plus souvent, sérieux, des accidents. Ouais. Très surpris. Notre auditeur dit, j'ai roulé à bien des endroits aux States et ailleurs au Canada et j'ai malheureusement constaté que les pires conducteurs, les moins tolérants envers les cyclistes sont ici au Québec. Ah oui? Pourquoi cette haine des cyclistes? Les autres endroits où j'ai roulé comptent aussi nombre de cyclistes et sont de populaires destinations pour nous cyclistes pour une bonne raison. Les routes sont superbes. Ça, c'est la même chose pour tout le monde, là. Les populations de ces endroits sont donc habituées de partager leur route avec les cyclistes et sont, je dois le dire, hyper courtois envers eux. Là, on peut jouer au ping-pong à savoir qui haït le plus l'autre entre les chars et les cyclistes, mais ça finira plus, là. Mais Denis, c'est pas une haine des cyclistes. C'est pas ça. C'est que moi, ça me choque, OK? Je serais pas content d'en frapper un. Comprends-tu? Ça me démolirait de frapper un cycliste et de le blesser gravement. Puis ça me choque de les voir risquer leur vie puis leur santé de cette façon-là. Parce que je le sais que ça se peut que j'en frappe un à un moment donné. Ça me choque. C'est pas de la haine. Je suis choqué quand je vous vois vous comporter comme des imbéciles puis mettre votre vie en danger. Si je vous rentre dedans, c'est pas moi qui va virer quatraplégique, là. C'est vous autres. C'est choquant, ça, pour un automobiliste. Pouvez-vous le comprendre? Mais pour revenir à la haine des cyclistes et le manque de courtoisie au Québec, je pense que c'est pas juste envers les cyclistes. Je pense que c'est assez généralisé. Ah, là, les leçons dans ben des comportement aux automobilistes, ben, Jérôme, ça va être correct. Dans bien des grandes villes américaines, tu t'approches d'un coin de rue à pied puis ils vont stopper pour te laisser passer. Ouais, mais il y a des règlements aussi aux États-Unis. Tu regarderas ça. Il y a des endroits dans le Massachusetts, entre autres, où c'est écrit, là. Ouais, vous devez laisser passer le piéton. Mais là, à un moment donné, là, les automobilistes, on peut-tu y lâcher un peu, là? Mais t'arrives ici, surtout dans les zones les de automobilistes travaux, montréalais. Je me mets à la place d'un automobiliste montréalais, là. Probablement que des fois, je serais impatient aussi, okay. Là. On va parler automobiliste versus automobiliste. On a des tas de zones de travaux à Québec. On a donc bien de la misère à gérer ça sur le sens du monde. T'as l'impression que personne veut céder son espace, que chacun là, se bat pour sa vie. On a vraiment de la misère, là. On est agressif, mais pas sur le bon sens. Ben, regarde, tu voyages, tu dois le voir, là. On est pas des pires conducteurs qu'ailleurs. C'est juste qu'ailleurs, t'as moins de surveillance et t'as moins de règlements. Fait que ça conduit en cave tellement de façon globale que t'es habitué d'avoir des yeux tout le tour de la tête et de vraiment chauffer comme si le reste de la planète était peuplé d'imbéciles. Allez rouler en Italie, là. Ah oui. Vous allez avoir, sur la même autoroute, des crétins qui roulent à 30 km/h, des bessiques qui font du slalom entre des chars qui roulent à 200 km/h, des mobilettes qui s'accrochent sur des derrières de pick-up pour ils aller sont plus vite. Malades. En Europe, là, les conducteurs de mobilettes, entre autres, ils sont débiles. Tu sais, il y a des journées que je chauffais toute la journée avec ma famille en arrière, puis tu sais, t'es le gars avec le volant, tu veux pas laisser paraître ta nervosité pis tout ça. J'arrivais à la fin de la journée, là, j'avais le shake pendant une demi-heure. Le shake, là, parce que tu repenses à tout ce que t'as vu, à toutes les fois que t'as manqué mourir à cause d'un os, petite cave, au volant d'un char, au volant d'un scooter, au volant d'un bicycle, au volant d'un racer, au volant d'un pick-up, à 30 km/h comme à 260 km/h, pis tu te dis, Christy, ça a pas de bon sens. Alors, mais, les conducteurs là-bas sont habitués à ça, puis ils deviennent ultra parano, puis il n'y en a pas d'angle mort parce que tu es tout le temps en train de regarder tout le temps en arrière. Sur le qui vive. Hein? Ouais, tout le temps. À New York, c'est un peu le même aussi quand tu chauffes sur Manhattan. Tu es tout le temps sur le qui vive. Le problème ici, je pense, c'est que le vélo qu'on rencontre dans une séquence où il y a de l'impatience d'un bord ou de l'autre, il paye pour toutes les imbéciles qui, à un moment ou à un autre, pensent que la route leur appartient parce qu'un vélo, c'est tellement mieux qu'un char. Le vélo va payer pour les deux crétins qui se promènent au lac Beauport à toutes les fins de semaine, un à côté de l'autre, qui prennent une voie au complet et qui, sans donner le signaux à toutes les fins de semaine, coupent des chars aux lumières parce qu'ils ont de l'air de se trouver tellement plus importants et intéressants que tous ceux qui sont en char. Puis l'autre affaire, là, je te parlais du gars que j'ai vu encore hier sur Grand-Allée en plein milieu de la rue. Tu sais, vous avez beau nous dire, on a notre place pis on a le droit d'être là. Avez-vous le droit d'être en plein milieu de la rue, là? Ça, avez-vous le droit de faire ça? Sérieusement, là. Pensez-vous que c'est brillant, ça? Je comprends que vous avez votre place sur la route, là. Puis je t'en ai raconté un il y a pas longtemps aussi sur Versant Nord. Tu promenais sa ligne jaune, astie, sur le boulevard du Versant Nord. Entre les deux voies, entre comme la direction est et la direction ouest. Ça, avez-vous le droit de faire ça? C'est ça, bien partager la route dans vos têtes de cyclistes? Droit ou pas droit, moi, j'en suis pas là. C'est qu'à un moment donné, tu regardes la logique de ce qui se passe autour de toi. Ben, c'est parce qu'on parle du droit d'être là, puis c'est comme si on respectait pas leur droit de faire partie de la route. Avez-vous le droit de circuler sur le milieu, dans le milieu du chemin, puis de vous mettre en avant des chars, une lumière? C'est parce que quand je faisais du vélo, là, mes droits, je les connaissais pas toutes, mais j'allais bien, j'évitais beaucoup d'endroits où j'avais le droit d'aller parce que je me disais, ça n'a pas de bon sens. Pas à cette heure-là, ben trop de trafic, ou pas dans ce coin-là, il y a ben trop de circulation, c'est ben trop rapide. J'irai pas là, j'irai pas risquer ma vie pour faire un statement parce que je pédale, là. Je vais aller pédaler ailleurs. Aussi simple que ça. Comme du monde évite les autoroutes parce qu'ils trouvent que ça va trop vite en char, il y en a, là. Rendu à un certain âge où il y a des gens qui commencent à conduire puis qui se sentent pas en confiance.